Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième saison de Mission Impossible. Notre mission, vous expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien et mieux encore, le fonctionnement passionnant de nos industries. Pour cela, nous disposons de 30 minutes au cours desquelles nous expliquerons, discuterons et viendrons à votre rencontre pour percer des mystères scientifiques. Mais qui sommes-nous ? Une équipe d'étudiants ingénieurs de l'ENSIC, totalement animée par les sciences. Notre école, l'ENSIC, vous la connaissez. Présente à Nancy depuis 1887, elle se situe près de la pépinière. Son credo, c'est de transmettre les méthodes physiques et chimiques qui permettent de transposer à l'industrie ce qui se passe à l'échelle du laboratoire. Rien ne lui échappe, chimie, énergie et environnement, tous les grands enjeux actuels sont concernés. Alors j'espère que vous êtes prêts à nous suivre dans nos nouvelles aventures. Aujourd'hui, trois chroniqueurs sont présents. Nous avons tout d'abord Thomas. Salut à vous. Thibaut. Bonjour à tous. Et Axel. Salut, salut. Alors, il me semble que c'est Axel qui va commencer sa première chronique. C'est ça. Alors, l'autre jour, je discutais avec quelques amis et on en est venu à parler de phénomènes scientifiques surprenants. Et l'un d'eux a fini par me dire qu'il paraîtrait qu'il était plus rapide de congeler de l'eau chaude que de congeler de l'eau froide. Alors tout de suite, ça m'a paru complètement stupide. Comment de l'eau chaude pourrait refroidir plus vite que de l'eau froide? Surtout qu'à un moment donné, l'eau chaude arriverait à la même température que l'eau froide dans le congélateur, et donc refroidirait à la même vitesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi, intuitivement, je pense plutôt que l'eau froide, enfin voilà, comme t'as dit, au bout d'un moment, ils vont congeler à la même vitesse, quoi. Ah, ouais, c'est logique. Ouais, c'est ça. Bon bah du coup, je me suis renseigné un petit peu, et il existerait bel et bien une théorie, pas encore bien fondée, qui suppose que l'eau chaude refroidirait bien plus vite que l'eau froide. Donc quand je dis que c'est une théorie qui est pas bien fondée, c'est surtout parce que c'est une question qui divise encore les scientifiques. Mais pour autant, dans certaines conditions expérimentales, les scientifiques ont pu observer que l'eau chaude congelait plus vite que l'eau froide, et on appelle ce phénomène l'effet Mpemba. Pour faire un peu d'histoire, c'est parce qu'en Tanzanie, il y a une spécialité là-bas qui est de faire bouillir du lait et du sucre, et ensuite on fait congeler cette mixture. Et un jour, il y avait un lycéen qui, lui, n'avait pas attendu de la faire bouillir pour la mettre au congélateur, alors que son camarade, Erasto Mpemba, avait quant à lui attendu l'ébullition pour mettre sa mixture au congèle. Revenant quelques heures après, il s'est rendu compte que sa préparation avait congelé avant celle de son camarade. Il en a donc parlé pour demander des explications à ses professeurs, et tout le monde l'a ignoré en soutenant que c'était quelque chose qui était impossible. Mais finalement, Dennis Osborne, un professeur à l'université, l'a pris au sérieux et a publié en 1969 un article issu de ses expérimentations, et ont donné ainsi Mpemba comme nom à ce phénomène plus que surprenant. Alors, je vais vous demander de me donner différentes façons d'essayer de refroidir des bols d'eau chaude. Bah, on peut le mettre au frigo. On peut le mettre aussi au frigo ou au congélateur directement. Ouais, ok, alors on a ça, on a aussi le fait de souffler dessus, ou alors encore de rajouter un peu d'eau froide, même si c'est triché. Mais en fait, dans l'expérience, le bécher, c'est-à-dire le récipient qui contient l'eau, est dans un congélateur et ne bouge pas. Il n'y a donc pas de courant d'air, rien qui diffère des conditions de refroidissement entre l'eau chaude et l'eau froide. Alors tout de suite, ça paraît plus compliqué. Alors avant d'expliquer les différentes causes de cet effet Mpemba, je tiens vraiment à souligner que celui-ci n'est pas observable dans tous les cas. Il y a vraiment des conditions opératoires particulières, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles sont faites les expériences, qui permettent de faire refroidir l'eau chaude plus vite que l'eau froide. Donc ne vous dites pas que je suis en train d'essayer de vous convaincre d'un truc qui ne paraît pas naturel, mais je vais quand même essayer de vous expliquer quelles sont les hypothèses aujourd'hui données à l'existence de ce phénomène. Alors les pistes les plus simples sont, dans un premier temps, le type de récipient qui est utilisé et le type de congélateur. Donc tout simplement, vous avez sûrement déjà vu dans vos congélateurs, parfois on a une espèce de couche de givre qui est assez épaisse. Et bien tout simplement, avec le bécher qui contient l'eau chaude, on a la paroi qui dégivre, du coup on est en contact direct avec le congélateur, et du coup le refroidissement se fait beaucoup mieux. On a aussi un autre phénomène un peu plus complexe, qui est le mouvement de convection qui opère dans le récipient. Pour faire un petit point rapide, on a deux grands modes de transfert de chaleur pour apporter ou retirer de la chaleur. C'est-à-dire deux phénomènes physiques principaux qui permettent d'expliquer comment on refroidit dans un congélateur ou comment on chauffe dans une pièce. Le premier mode, c'est la conduction. Pour expliquer ce phénomène, imaginez une cuillère. Si vous approchez le bord d'une cuillère d'une flamme, peu à peu, la chaleur du bord de la cuillère va se propager jusqu'à ce que vous le sentiez dans votre main. On observe qu'il n'y a pas eu de déplacement de matière, j'entends par là que la cuillère n'a pas changé de forme, mais simplement, la cuillère conduit la chaleur le long de sa tige. Ensuite, on a le phénomène de convection. C'est celui que vous pouvez retrouver dans les lampes à lave pour ceux qui en ont eu. Tout simplement, cette fois-ci, on a des échanges de matière. Donc dans l'exemple de la lampe à lave, on a au fond de la lampe de la cire qui, quand elle se réchauffe, remonte à la surface, puis une fois en haut, elle refroidit et redescend. On a donc un mouvement de la matière, et c'est ce qui permet de transporter la chaleur tout au long de la lampe. Donc revenons maintenant à notre bol d'eau chaude et à notre bol d'eau froide. On suppose justement que dans le cas du bol d'eau chaude, les phénomènes de convection sont très importants et l'eau froide, et c'est donc ce qui permet de refroidir plus rapidement notre bol d'eau froide. Donc je tiens tout de même à vous demander de prendre ce que je viens de vous dire avec des pincettes, puisque comme je vous l'ai dit, cet effet, c'est un effet qui divise toujours le monde scientifique, puisqu'il n'est pas observable systématiquement, mais simplement dans des conditions assez précises. Merci Axel pour cette chronique. Mais une question me turlupine toujours. Kylian Mbappé se fait un claquage, est-ce qu'il appelle les pompiers et ça fait nion? Vas-y Thomas. Oh bah oui, bah oui, forcément, bah, comment tu vas enchaîner là-dessus? Bon, si je vous dis ambulance, camion de pompiers et police, ça vous fait penser à quoi? Bon, sûrement déjà au fait, bah, ils sauvent des gens, c'est quand même utile. Et ils ont un autre point commun, c'est leur sirène. Mais du coup, c'est quoi son fonctionnement? Bon, d'abord, un peu d'histoire s'impose. Le nom sirène fut donné par Charles Cagnard de la Tour, un physicien français en 1819, qu'il a donné en référence aux sirènes de l'Antiquité, exactement comme Ariel. Ensuite, on s'est servi des systèmes d'alarme, puis on les a installés sur les véhicules prioritaires pour signaler leur présence aux usagers. Et pour ne pas les confondre, chaque véhicule a une sirène différente, donc avec des sons avec leur propre fréquence. Pour faire simple, la fréquence pour un son, c'est sa hauteur, c'est-à-dire s'il est plutôt aigu ou grave. On va mesurer la fréquence en hertz, et globalement, l'être humain entend les sons entre 20 à 30 hertz pour les sons les plus graves, jusqu'à 18, voire 20 000 hertz pour les plus aigus. En dessous de 20 hertz, on parle d'infrasons, et au-delà, d'ultrasons. C'est ce qu'entendent beaucoup d'animaux comme les chiens ou les chauves-souris qui communiquent comme ça. Bon, là je m'égare, mais pour en venir aux sirènes, chaque véhicule en dispose d'une avec un son reconnaissable. Cela varie en fonction du véhicule du même pays, et même du même pays. Exemple, ça, c'est le bruit d'une ambulance française. Celui-là, d'un camion de pompier. Et enfin là, c'est une gendarmerie. Bon, c'est vrai que c'est assez particulier, chacun a quand même un son propre, et pourtant, à base, c'est quand même le même son qu'on utilise. C'est assez dingue. Donc chaque véhicule a un son fixe. Pourtant, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'entendre un bruit un peu qui fait comme ça. Nion. Au moment où une ambulance passe. Comme si le son est devenu plus aigu lorsque l'ambulance arrive, puis plus grave lorsqu'il s'en va. Ce phénomène physique, on l'appelle l'effet Doppler. Pour faire simple, le son, il se déplace dans toutes les directions, en ondes. C'est un peu comme un caillou qu'on jette dans l'eau, ça fait des cercles et des vibrations partout. Si l'ambulance ne bouge pas, il faut un certain temps pour que le son vienne jusqu'à nous, car il a une vitesse et une distance à parcourir. Donc on va entendre le même son en continu. C'est ce qui passe si on est à un feu et qu'il y a une ambulance qui est arrêtée aussi, on va entendre juste le même bruit. Par contre, si l'ambulance vient vers nous, le son ne change pas, mais il mettra moins de temps pour venir à nos oreilles vu que la distance avec l'ambulance va diminuer au fil du temps. On va avoir l'impression d'entendre le son plus aigu. Et il se passe la même chose pour l'ambulance lorsqu'elle s'éloigne. On va augmenter la distance au cours du temps, donc on a l'impression d'entendre le son plus grave. Donc le système Doppler, qui est utilisé par l'effet Doppler, on l'utilise pas que pour pouvoir expliquer le son d'une ambulance parce que au quotidien ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On l'utilise surtout avec les radars pour calculer la vitesse sur la route. Le radar va envoyer une onde, donc un son, avec une fréquence, qui va rebondir sur le véhicule et être détecté par la machine. En mesurant la fréquence de l'onde reçue, celle qui est revenue après avoir rebondi, on peut ensuite calculer la vitesse du véhicule en temps réel, et c'est comme ça que si tu vas trop vite, tu te fais flasher. On a le même système dans certaines échographies, on va envoyer des ultrasons pour mesurer la vitesse du sang et parfois détecter de potentielles maladies. Pour terminer, dites-vous que l'effet Doppler, ça se produit que lorsqu'on est immobile. Parce que quand on est en voiture, forcément, on avance quasiment à la même vitesse que les sirènes. Donc pour l'oreille, le son, 10 km/h, ça change pas grand-chose. Essayez de tendre l'oreille la prochaine fois qu'une sirène passera. D'accord, merci Thomas. Je crois que j'ai tout compris. Mais du coup, après tout ça, je pense qu'une petite pause s'impose. Alors du coup, on va écouter Hot and Cold de Katy Perry. Et on reviendra juste après. You're hot and you're cold, you're yes then you're Merci de nous écouter sur Radio Fadjet dans l'émission exceptionnelle de Mission Impossible. Si vous nous rejoignez seulement, deux chroniques ont déjà été faites par Axel et Thomas. Et si vous voulez les écouter ou les réécouter, rien de plus simple. Elles seront disponibles en podcast sur le site de Fadjet ou même sur YouTube. Oui, bonjour les secours. Je m'enlise dans les sables mouvants. Y a quelqu'un pour me tirer de là? Alors, pour répondre à la demande de David, moi je vais vous parler d'un phénomène qui m'a souvent intrigué et pour lequel il y a eu beaucoup trop de fois où je me suis dit « bof, pas grave, je chercherai plus tard ». Et finalement, j'ai jamais vraiment poussé mes recherches. Mais au moins, ça a un point positif et un intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir tous découvrir ou redécouvrir ce qu'est réellement un sable mouvant. Les sables mouvants sont bien connus du grand public. Et je vais vous aider à discerner un petit peu le vrai du faux et le mythe de la réalité les concernant. Alors, avant toute chose, un petit point vocabulaire s'impose. Il faut savoir qu'un sable mouvant peut également être appelé lise. Donc en fait, un sable mouvant, c'est un phénomène naturel qui apparaît sous certaines conditions. Le sol doit être composé d'eau, de sable et d'argile. Il peut également y avoir du sel, mais ce n'est pas une condition nécessaire à la formation de sable mouvant. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas partout, puisqu'il faut des conditions bien particulières. Est-ce que vous avez une petite idée d'endroits dans le monde, de régions dans le monde où on peut en trouver? Et un indice, il y en a en France. Ouais, moi j'aurais dit vers le Mont-Saint-Michel. Exactement, il y en a beaucoup vers le Mont-Saint-Michel. Et plus généralement, en fait, les sables mouvants sont situés au niveau des estuaires des fleuves parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est des endroits qui ont toutes les conditions nécessaires qui sont propices à leur formation. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il faut savoir qu'un sable mouvant est un fluide non newtonien. Alors, pas de panique, je vais vous expliquer tout de suite. En gros, ça signifie que la structure du sable mouvant change selon la contrainte qu'on lui applique. Et c'est pour ça qu'à l'endroit où on voit le sable mouvant, on a l'impression que le sol est solide et rigide. Mais par contre, quand on marche dessus, si on ne fait pas attention où on pose les pieds, on va exercer une certaine pression de par nos pieds. Et en fait, le sable mouvant va peu à peu se liquéfier et c'est pour ça qu'on va s'enfoncer. À titre d'exemple, on peut penser à un pot de yaourt. Lorsque le yaourt est dans son pot, il se comporte comme un solide. Il occupe tout l'espace disponible dans le pot. Et si on incline le pot, le yaourt a du mal à s'écouler. Par contre, si on prend une cuillère et qu'on commence à mélanger le yaourt, donc on commence à le touiller, le yaourt va peu à peu se liquéfier. Et lorsqu'on va incliner le pot, le yaourt va alors s'incliner. Et en fait, c'est exactement le même principe pour le sable mouvant. Donc, faisons une petite mise en situation. Imaginons qu'on se fasse piéger par un sable mouvant. Voilà, on marche au niveau d'un estuaire, par exemple. On ne fait pas attention, on met les pieds. Et hop, on se fait, entre guillemets, engloutir. Alors, il faut savoir que les mythes qu'on voit dans les films où les gens meurent engloutis dans des sables mouvants sont totalement faux. C'est impossible de se faire engloutir et de mourir comme ça dans un sable mouvant. En fait, c'est parce que le corps humain est à peu près deux fois moins dense que le sable mouvant. Et grâce à la poussée d'Archimède, ça fait qu'on va arriver à certains moments, on va s'enliser et à un moment donné, on va arrêter de s'enfoncer dans le sable mouvant. Alors, la poussée d'Archimède, en gros, c'est cette même force qui fait qu'un corps humain flotte dans l'eau. Ou par exemple, quand on est à la piscine et qu'on saute depuis un plongeoir, on va tomber dans l'eau, on va rentrer dans l'eau jusqu'à une certaine profondeur, puis notre corps va remonter. Et bah c'est le même principe dans les sables mouvants. Cependant, on ne meurt pas, on n'est pas enseveli dans un sable mouvant, mais on a quand même le bas... En fait, il faut visualiser que c'est comme si on avait le bas des jambes qui était pris au piège. Un peu comme si on mettait la main dans du béton liquide et qu'on ne retirait pas suffisamment vite notre main. Le béton va se resolidifier, va se re-rigidifier autour de notre main, et notre main va se retrouver comme bloquée dans une sorte de masse de solide. Donc, les sables mouvants ne sont donc pas mortels en tant que tels, mais ils sont plutôt mortels de par les conséquences qu'ils peuvent engendrer, puisqu'on peut être victime, si on est tout seul, de déshydratation, d'hypothermie, mais également de noyade, puisque comme généralement ils ont lieu à proximité de la mer, si on n'arrive pas à se dégager suffisamment vite avant la marée suivante et qu'on est tout seul, évidemment, on peut se noyer. Donc, arrivé à ce point-là, je pense qu'on se pose tous la même question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir d'un sable mouvant en vie? Alors, déjà, il faut savoir qu'il faut rester calme. Inutile de vous affoler inutilement, parce que vous allez simplement perdre de l'énergie bêtement, vous allez perdre vos moyens, et vous allez voir par la suite que de l'énergie, vous allez en avoir bien besoin. Et en plus, Si vous commencez à vous agiter bêtement, vous allez simplement recasser, entre guillemets, le milieu autour de vos jambes, et ça va le solidifier d'autant plus, et ça rendra votre sortie encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Il peut également s'avérer utile de se débarrasser des objets lourds qui vous empêchent de sortir plus facilement. Évidemment, si vous avez un sac de 20 kg sur le dos, c'est plus compliqué que si vous avez juste vos habits. C'est assez intuitif comme idée. Une bonne technique peut être d'étirer le plus possible son corps vers l'arrière, en fait, de manière à venir toucher le sol des sables mouvants avec son dos. Et un peu comme si vous vouliez vous étirer complètement vers l'arrière, ça va permettre de libérer un petit peu d'espace au niveau de vos jambes, ce qui fait que de l'eau va pouvoir s'infiltrer, puisque je vous rappelle qu'il y a de l'eau dans le milieu des sables mouvants, ce qui va liquéfier un petit peu le milieu au niveau de vos jambes, et du coup ce sera un petit peu plus facile pour vous de vous dégager que si c'est uniquement un bloc solide. Donc voilà, il faut faire de petits mouvements, de manière à éviter de reformer le milieu solide, comme je vous l'ai dit, pas besoin de faire des grands mouvements qui vont juste plus vous pénaliser qu'autre chose. Et c'est un processus long, fatigant et très très très énergivore, puisqu'en fait pour sortir son pied d'un sable mouvant, il va vous falloir produire la même force que s'il fallait soulever une voiture d'une tonne. Donc voilà. Si vous avez prévu d'aller voir la mer incessamment sous peu, soyez prudent, évitez d'y aller seul, pour éviter ce genre de mésaventure, ce serait dommage de gâcher un si beau moment. Merci beaucoup Thibaut. J'espère qu'entre-temps, la personne qui nous a appelé tout à l'heure a pu être secourue. Mais bref, je crois qu'il est maintenant temps de passer à un petit jeu, créé par votre présentateur préféré. Donc c'est le jeu, c'est qui est le plus proche. Donc je vais vous poser des questions, vous allez me donner des chiffres, c'est des questions chiffrées, et celui qui est le plus proche aura un point. Si vous avez un tout pile, vous avez deux points. Donc par exemple, à votre avis, à quelle vitesse va le train le plus rapide du monde ? En kilomètre heure ? Oui, en kilomètre heure, s'il te plaît. Moi, je dirais que c'est quelque chose de l'ordre de 450 km/h. Ah, moi, je serais le plus, j'aurais dit 600. Mais après, la vitesse, enfin, c'est la vitesse, comment dire, la vitesse de... Quand il y a des passagers, enfin, c'est une vitesse qu'il a, je veux dire, tous les jours, record. Ou c'est la vitesse vraiment dans des conditions bien particulières ? C'est une vitesse record qu'un train a pu... Ok, donc je pense que c'est dans des, genre, 100 passagers et tout. Non, je pense que c'est, je sais pas, quoi que 600, c'est la vitesse d'un avion, moi, ça me non, un avion, c'est plus. Un avion, ça dépend. Plus, on est plus de 10 km/h. Ouais, un avion, c'est ça, je pense que c'est plus 8... Moi, je dirais, je sais pas... Ouais, Thomas, t'avais dit quoi, 600 ? 600, ouais. Ouais, moi je dirais ouais 550, ouais, dans ces eaux-là. Eh bien, le plus proche, c'est Thomas. Parce que le ça train, c'est bien. Celui qui a été le plus rapide, il a été à 603 km/h. Oh, merde, donc tu étais trop près. Très très proche. Je vais passer à une autre question. Sur la route de Yungas, à savoir la route la plus mortelle du monde, combien y a-t-il d'accidents par an en moyenne ? Oh la vache. C'est où par contre ? Je ne sais plus. C'est sûr, c'est aux États-Unis. Non, je sais pas. Par an ? C'est impossible à savoir. Mais si c'est le truc le plus mortel, ça doit être une dinguerie. Enfin, ouais, mais c'est qu'une route, c'est pas. Ouais. Moi je vais dire 120, mais vraiment comme ça, random. Moi je tente 1000. Mais c'est. Allez, je tente un peu plus. Moi, allez, 3 je dirais, par jour. Ouais. Allez, 2000, soyons fous. Oui, vous êtes fou. Du coup, celui qui est le plus proche, c'est Axel. Parce qu'il y a 300 accidents par an, soit à peu près un par jour, en moyenne sur cette petite route. Alors, c'est sympathique. C'est quand même beaucoup en fait, ouais. Quand je réfléchis, 1000 ou 2000. Bah après, je sais pas, je connais pas la. Ouais, c'était quoi la longueur ? T'as la longueur de la route ou pas, David ? Parce que si c'est non. Une route. Parce que si la route elle est petite, ouais. Vous ça me dépend, posez trop de questions. On va passer à une troisième. Pour l'instant, 1-1 et 0 pour Thibaut. Combien de temps a duré le plus long embouteillage du monde ? Oh, il a duré... Ça, je le sais. Moi, je dirais 10 jours. Ouais, 10 jours. Moi aussi, je dirais 10 jours. Le tricheur. Moi, je crois que c'est un truc en Chine, je crois. Je vais dire 11, alors. Thomas ? Moi, pour dire, je ne copie pas parce que j'en avais aucune idée, j'aurais jamais dit autant. J'ai tenté 3 jours. D'accord. Eh bien, vous aurez la réponse dans quelques instants, après une petite musique d'Arcadiane. On écoute tout de suite les sables émouvants et on revient. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Allongé sur le sable chaud, je comptais les grains de ta peau. Toi, tu nageais entre deux eaux, entre une pelle et un râteau. Et seules les envies, les UV, je me sentais fondre et brûler. C'est fou comme on était vivant, sentir bouillir, battre son sang. C'est les sables émouvants. Plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, dure toujours. vagues et puis la mer, danser dans l'écume de nos verres, et nous saouler au vent salé. Toute la nuit on se resserre, écoute nos rires ricochés dans l'eau claire du ciel d'été. On écrivait sans le savoir les plus belles plages de notre histoire. Tu sais les sables émouvants, plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Allongé sur le sable chaud, je comptais les grains de ta peau. Toi tu nageais entre deux eaux, entre une pelle et un râteau. Était-ce les UV, les envies? Je me sentais fondre et brûler. Même le soleil ébloui se penchait pour t'embraser. Tu sais les sables émouvants, plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Vous êtes de retour parmi nous sur Fadjet dans l'émission Mission Impossible. Si vous nous rejoignez, nos trois chroniqueurs nous ont fait trois excellentes chroniques que vous pourrez retrouver soit sur le site de Fadjet, soit en podcast sur YouTube très bientôt. Maintenant, nous étions à un petit jeu. Avant l'interlude musical, je vous avais demandé combien de temps a duré le plus long embouteillage du monde. Donc si je refais un point, vous m'avez... Axel, tu m'as dit 11 jours. C'est ça. Thibaut, 10. Moi, 3. Et toi, 3. Eh bien, c'est Thibaut qui a gagné et qui a fait un tout pile puisqu'il a duré 10 jours. Merci Axel. Énorme. 10 jours. Ça a duré 10 jours. Et c'était bien en Chine. C'était bien en Chine. Tu avais raison. C'est sympa, tu restes dans ta voiture 10 jours de musique à la radio. Quelle horreur. Tu pètes un câble, je pense, avant la fin du premier. Bon, donc du coup, Thibaut a rattrapé son retard puisqu'il vous bat maintenant. Vu qu'il a 2 points, il a fait un tout pile. Alors, maintenant, je vais vous poser une question très bizarre. Quel est le record du monde d'abeilles sur un homme? Je vous explique. Il y a un monsieur, il s'est dit, je vais mettre des abeilles sur moi. Combien il en a mis? C'est un record. Mais il avait un truc, enfin genre... Non, je ne crois pas. Il est pas apiculteur, il s'est juste dit... Je crois qu'il est apiculteur, mais il avait pas de protection. Ah ouais, il faut pas être fou comme ça. C'est quoi la taille d'une abeille? Je sais pas, 2 cm. Attends, ouais, 2 cm. Moi je dis ça doit faire à peu près 1 cm carré, un truc comme ça, tu vois. Ouais, sur un corps humain, c'est... tu fais vite qu'il y a la calcul. Attends, vite fait, je fais le rapport des surfaces. Je n'ai pas la taille ni le poids de l'homme. Moi, je vais dire 8000. Oh. Attends. Ah, moi, j'allais dire beaucoup plus. Ah, non, moi, j'allais dire beaucoup moins, justement. Ah, moi, j'étais sur... Alors, après, je vais être très nul en maths, mais moi, j'étais sur 1 million. Oh. Oh. 1 million, ouais, c'est... Attends. Après... Ah, c'est quand même tout petit une abeille, puis si elle se colle toutes entre elles, vu que c'est un record, je me suis dit pourquoi pas, ça passe. Je sais pas, moi je dirais, allez, 650. Petit joueur. Ah, mais déjà ça me paraît énorme, imagine, t'as 650 abeilles sur toi. Imagine, je gagne là-dessus et je suis encore loin de la valeur. Imagine, tu dis genre 1 million et c'est 2 millions. Alors, c'est Thomas qui a gagné. Avec 1 million? Avec 1 million gagné. Oh, tu es en dessous ou au-dessus de la valeur? Tu es tout pile. Hein? Sérieux? C'est... On n'a pas le chiffre exact, c'est environ 1 million parce que... Dinguerie. En gros, il avait 109 kilos d'abeilles sur lui. 109 kilos, voilà. Mais le mec, il tient pas debout. Enfin, comment c'est possible? Déjà, à quel moment on se dit, tiens, j'ai envie de battre un record, j'ai envie de voir si je peux mettre 109 kilos d'abeilles sur le moi. Le mec devait être énorme pour qu'il puisse tout se poser dessus, hein, quand même. C'était un Américain? Je pense qu'on en parle sur l'abeille. Possible. Mais du coup, voilà. Donc, 2, 2 et 1 pour Axel. Alors, du coup... Ah non, du coup, 3, Thomas. 3, tu as 3. Ah oui, j'ai un tout pile, pardon, excusez-moi. Bah quand même, Thomas, tu es en tête. Oh, le million. Alors maintenant, à votre avis, combien a coûté un manuscrit d'Einstein? c'est le manuscrit qui a été le plus cher, du coup, c'est encore un record. Combien il a coûté? En euros, en dollars? En euros. Pff, ça doit être... Attends, c'est un ah, c'est, ça, Mais après, je sais pas... Comment tu veux estimer ça? Allez, je repars sur ma réponse. 1 million. Ouais, moi aussi, je pense, que c'est 1 million. Là. Je vais rester ouais, sur 1 aussi, million. Moi, je dirais 2,5 millions. Allez, 5 millions, soyons fous. Eh bien, c'est Thibaut qui a gagné. Mais vous êtes encore très loin du compte. Voilà, ça va être plutôt proche de les 100, un truc comme ça. Non, quand même pas. Il s'est vendu à 11,6 millions d'euros. Ah, alors, c'est quand même déjà pas mal, hein, mais... J'espère qu'il était intéressant. Mais après, ça m'étonne pas parce que des fois, même pour des trucs pas ouf, les gens ils mettent beaucoup d'argent aux enchères. Donc pour un truc d'Einstein, tu vois. Oui. Après, j'espère que c'était quand même intéressant. Non, mais. Que... 11 millions aussi. Pour un truc nul, c'est. Mais il en a vendu plein d'autres à autour de 2 millions, 3 millions. Donc vous êtes. Mais là, c'est le record. Donc Thibaut, je t'annonce que tu es le grand gagnant. Après, je suis ex-aequo avec Thomas. Oh, c'est pas vrai, je sais pas compter. On a 3 tous les deux. Vous avez 3 tous les deux. Et ben, Axel, je t'annonce que tu es le grand perdant. Il faudra faire mieux la prochaine fois. Voilà, exactement. Tu auras d'autres émissions pour te rattraper. Super. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines sur Radio Fadjet. Salut. Salut. Salut.